Audiomatique. Thank you. pour cette transmission 318 d'Audiomatic. Les sonoristes vous accueillaient sur la musique du projet Chris and Kazi, mené par deux ex-membres du groupe Throbbing Gristle, à savoir Chris Carter et Fanny Kazi Tutti. On écoutait la pièce-titre de l'album Exotica, sorti en 1987. Et c'est le projet Flying Lotus qui met un terme musical à cet entracte verbal. Thank you.

axée sur la musique de l'artiste montréalais d'origine brésilienne Amon Tobin que se concluait cette séquence audiomatique. De son album Super Modified, nous écoutions la pièce Saboteur. Avant Amon Tobin, nous vous présentions la collaboration entre le trompettiste Aquiles Navarro et le percussionniste Chaser Holmes, collaboration qui se matérialise sur leur tout nouvel album Heritage of the Invisible, duquel est tirée la pièce que nous avons entendue, soit A Night in New York, qui met également à contribution la chanteuse Bridget Zozula. Et en début de séquence, c'était le projet Flying Lotus et sa pièce Recoiled, apparaissant sur son troisième album Cosmogramma, sorti en 2010. À Audiomatic, les sonoristes brisent cette fois le silence avec le groupe suisse X. Thank you.

Audiomatique, nous entendions la musique du duo brooklynois Shana Falana, formé de Shana Falana et de Michael Amary. De leur deuxième album Here Comes the Wave, nous vous présentions en quelque sorte la chanson-titre qui s'intitulait Ocean. Précédemment à Shana Falana, il s'agissait de l'artiste anglais Will Sampson et sa composition « When I Was a Mountain », extraite de son troisième album « Ground Luminosity », sorti en 2015. Et pour débuter ce bloc, nous avions droit au groupe suisse X, qui s'orthographie H-E-X, de leur première parution homonyme lancée en 2018 sur étiquette Hummus Records. Nous entendions la pièce « Process ». D'ailleurs, vous pouvez vous rendre sur le profil Bandcamp de la compagnie de disques au hummusrecords.bandcamp.com, le hummusrecords.bandcamp.com, afin de découvrir tous les artistes qui y sont associés. C'est le projet italien Runes Order qui se chargera de mettre les sons finaux de cette transmission 318 d'Audiomatique, grâce à sa pièce « Tragedy » apparaissant sur son anthologie 1988-2022. Bien qu'il soit implicite que nous vous convions à notre prochaine transmission d'Audiomatique, nous insistons pour vous le préciser en vous invitant à être présent en direct sur les ondes de C'est fou 89.1 FM mercredi prochain dès 17h pour la présentation de la transmission 319 d'Audiomatique. Nous ajoutons, comme à l'habitude, que nos anciennes émissions sont disponibles à l'écoute sur plusieurs plateformes, dont, entre autres, facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Alors, pour terminer, voici Runes Order et la pièce Tragedy. C'était Audiomatique avec les sonoristes.